cours numéro 4. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخذنا في درسنا الأخير بعض الأسماء لله سبحانه وتعالى اسم الأول والآخر والظاهر والباطن فما معنى اسم الأول؟ تفضل. معنى الاسم الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الأول معنى كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاسم بتفسير جميل قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول زد أنت الأول فليس قبلك شيء فأنت الأول فليس قبلك شيء فالأول الذي ليس قبله شيء c'est qui rajoute quelque chose pour وضح أكثر تفضل والأزل الذي لم يزل ولا يزل الأولية بمعنى الأزل tu dis pas أن الله c'est الأزل لا tu dis بمعنى الأزل الأزلية c'est quoi الأزلية زيد ما معنى الأزلية أحسنت ليس له بداية c'est ça الأزلية quelque chose qui n'a pas de début فالله سبحانه وتعالى c'est الأول بمعنى أولية أي أزلية ليس قبله شيء أي il n'a pas de début عز وجل il a toujours existé contrairement au créateur اسمه الآخر تفضل النبي صلى الله عليه وسلم فسره بماذا بعدك شيء نعم et هنا on a dit أن من معاني هذا الاسم ماذا تفضل نعم لكن قبل ذلك نعم أي هنا بمعنى الأبدية أي une chose qui n'a pas de fin الأبدية traduit par l'éternité فالله سبحانه وتعالى il est éternel il a toujours existé et il existera toujours سبحانه وليس بعده شيء et tout ce qui existe face بمشيئة الله عز وجل et tout ce qui existe c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont existé ils existeront que parce que Allah subhanahu wa ta'ala il existe et il a voulu que ces créatures elles existent وأنت الظاهر والباطن معنى الظاهر تفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ظاهر وليس فوقك شيء فليس فوقك شيء الظاهر بمعنى هنا العلو أي أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de toutes ces créatures وأنت الباطن عندما تفضل قال صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء فليس دونك شيء qu'est-ce qui détaille un peu plus الباطن فمن معاني الباطن تفضل معاني هو القريب نعم أن الله سبحانه وتعالى مع علوه عز وجل أنه il est au-dessus et il est قريب c'est الظاهر et c'est الباطن فإلي au-dessus de ses créatures et il est مع عباده بعلمه عز وجل هذه معاني عظيمة et on a lu des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nafi'a fi hadha al-bab ay fi muqtada hadhihi al-asma' min hayth at-ta'abbud ay celui qui a compris le sens de ces quatre noms il va comprendre une ma'na 'azima ma hi ma yata'alliq bil ihata fa 'indama tafaddal yani ma'na al-awwal wal-akhir yani yandamin al-ihatatu الإحاطة الزمنية فالله سبحانه وتعالى c'est le premier, c'est le dernier ça montre الإحاطة الزمنية comme on l'expliquait et dans le temps الله سبحانه وتعالى il sait tout c'est lui qui a tout créé c'est lui qui est adoré عز وجل بحق الظاهر والباطن بمعنى الإحاطة زد بمعنى الإحاطة المكانية المكانية الإحاطة المكانية أي dans l'espace Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures et il sait tout ce qui se passe. Subhanahu wa ta'ala, et il est qarib. Et il est qarib min ibadih, et bi ilmihi, il sait. Et c'est lui qui a tout décrété, azza wa jal. فهذه الإحاطة celui qui a compris هذه المعاني العظيمة هذه الإحاطة الزمنية والمكانية ça va le pousser à quoi تفضل نعم من يزيد تفضل نعم الاستسلام والانقياد والعبادة لأن الإنسان إذا علم هذه المعاني فلا شك أنه يعظم هذا الرب إذا لادوري الله سو البرومير سو لو ديرنيي سي تو إي لي أو دوسو دو سي سيرفيتور فلا شك سا فا بوسي هذا الإنسان أ سورتير دو الغفلة La ghafla, c'est l'insouciance. Daïman, il va se rappeler هذا. Annahu, c'est Allah qui l'a créé, c'est l'awwal, il va être reconnaissant. C'est Allah al-akhir. Et هذا l'abd, il retournera. Et il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va le pousser à l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est zahir, il est au-dessus, c'est le batin, il est qarib, il le voit, il l'entend, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, هذا l'abd. Là, chaque, ça va pousser ce serviteur à s'améliorer, à faire attention, à ne pas tomber dans l'insouciance, à adorer Allah subhanahu وتعالى فهذه الأسماء فلها معاني عظيمة الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل on a lu certains passages ولله الحمد والمنة قال رحمه الله الخالق الباري المصور trois autres noms et il les a cités ensemble لماذا لأنهم ils ont une معنى qui est proche الخالق والباري المصور قال رحمه الله الذي خلق جميع الموجودات وبرأها فالخالق الباري le sens il est très très proche c'est أن الله عز وجل خلق جميع الموجودات وبرأها أي خلقها الباري c'est بمعنى الخالق on verra une petite différence وإلا بالمعنى في الجملة C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa jami' al-mawjoudat. Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé. En tant que mu'min, n'a'taqid anna Allah azza wa jal c'est le créateur et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est forcément créé. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, il a des noms parfaits, il a des attributs parfaits et tout ce qu'il a créé comme ange, comme djinn, comme être humain, comme animaux comme océan, comme cieux, comme montagne, il a akhrif, tout ça, c'est créé. Qala wa sawwaha bi hikmatihi wa sawwaraha bi hamdihi wa hikmatihi. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé hadhihi al-umur et kadhalik huwa alladhi sawwaraha. Fa tu trouves hadha il a une forme, hadha il a une couleur. Les animaux, ils ont différentes formes, différentes couleurs, les êtres humains kadhalik, hadha il est petit, hadha il est grand. Hadha il a telle forme. من تأمل في الدواب والحيتان في الماء les poissons, les animaux فيرى عجائب tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, qui l'a décrété qui a façonné ces choses, qui les a créées قال وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم Allah subhanahu wa ta'ala il crée ce qu'il veut إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون Allah subhanahu wa ta'ala il a hadha al-wasf il l'a toujours eu et il l'aura toujours annahu c'est le créateur subhanahu wa ta'ala Cheikh Zayd al-Madkhali rahmatullah alayhi il a une risala nafi'a une poésie qu'il a expliqué et on l'a dans notre majmou'a hadha dans ce kitab faqala page numéro 17 al-bari ismun karim min asma'illahi al-husna القول في معناه كالقول في معنى الخالق سواء بسواء c'est le même sens que الخالق الباري قال فهو سبحانه خالق المخلوقات وباري المبرؤات بدون شريك ولا ظهير et bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala il est unique في هذه الصفات C'est le Khaliq wahdah et c'est le Bari wahdah Jalla wa ala. Ibn al-Athir rahmatullah alayhi Jami' al-Usul, il a cité une différence et une faïda tayyiba fi hadha al-bab. Qala rahimahullah, al-Bari هو الذي خلق الخلق لا عن مثال. أي c'est la même معنى que le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé toute chose. إلا أن هذه اللفظة. Et bien, c'est une différence entre البارئ والخالق. إلا أن هذه اللفظة أي البارئ من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال ذرأ الله النسمة وخلق السماوات والأرض. صحيح أن en général لفظ الباري c'est sur les créatures qui ont une âme, les êtres humains مثلا. برأ الله النسمة, النسمة c'est الإنسان العباد. وخلق السماوات والأرض, ففي السماوات والأرض en général on emploie le لفظ خلق. Et كذلك on dit خلق الله الإنسان, bien sûr, وخلق الإنسان ضعيفا. لكن الباري لفظ برأ en général c'est pour الحيوان. نعم, أي les êtres humains et les créatures qui ont une âme. Ça c'est une faïda pour le différencier. وإلا المعنى كما قال الشيخ زيد c'est le même. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في فتح الرحيم الملك العلام إلى دتي أكثر ستخوان فنقرأ كلامه. قال أي هو, أي الخالق الباري المصور, أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات وبرأ بحكمته جميع البريات وصور بأحكامه وحسن وحسن خلقه جميع الكائنات فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها. الإمام ابن كثير رحمه الله, avant de continuer في الحقيقة on aurait dû lire son kalam, لأن هذه الألفاظ الثلاثة quand ces noms ils sont cités ensemble كما في قول الله عز وجل هو الله الخالق الباري المصور من سورة الحشر, الله il a cité les trois noms. الخالق قال عز وجل هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى. Quand ces trois noms ils sont cités, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a démontré que chaque nom il a un ma'na khas. لماذا لأنهم ils sont cités ensemble. Cheikh Abd al-Razzaq, wafaqahullah, fi fiqh al-asma al-husna, il a cité la parole de l'imam Ibn Kathir, page 111. قال Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, al-khalq al-taqdir. قوله هو الله الخالق له صفة الخلق. هنا الخلق زي بمعنى التقدير, أي الله سبحانه وتعالى il a décrété que telle chose elle existera, مثلا tel être humain. مفهوم. Ça c'est la première معنى dans le verset قوله الخالق. والبرء أي c'est صفة من اسم الباري. قال هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. Vous avez vu la différence. أن الخلق c'est التقدير. الخلق لغة c'est يأتي بمعنى التقدير. أي الله il a décrété qu'il va créer مثلا tel être humain. الباري الله سبحانه وتعالى il va créer cet être humain. أي c'est الفعل. Cet être humain il va passer du néant, ça va devenir une créature. وقوله أو نكمل قال وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه. صحيح أن بعض الناس يفعل certain choses لكن ils n'arrivent pas à mettre en application ce qu'ils veulent. أما الله سبحانه وتعالى c'est le خالق. Quand il décide, il décrète qu'il va créer une chose, cette chose elle devient كن فيكون. C'est ça معنى الخالق الباري quand ils sont cités ensemble. ثم قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. ثم المصور quand الله سبحانه وتعالى décide, il décrète الخلق. ثم الفعل تستفيده من اسم الباري. ثم هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى va le façonner, va lui donner une sourah, ism al-musawwir. Cet insan, peut-être qu'il aura telle taille, il aura telle couleur, il aura telle forme, il aura telle capacité, il a arrêté, tout ça c'est min ism al-musawwir. هذه الآية الحقيقة على انغلوب هذه المراتب كلها أن الله سبحانه وتعالى c'est le خالق أي décret qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, de créer ce qu'il veut. ثم التنفيذ أي l'action الباري. ثم التصوير أي comment va être exactement cette créature من اسم المصور. راجع كلام ابن كثير في تفسيره عند الآية من سورة الحشر فهذا كلام مفيد. Si tu as compris هذا le كلام qu'on va lire الآن de Cheikh Saadi رحمه الله il sera plus simple et plus facile à comprendre et plus clair. قال الخالق الباري المصور أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات. تأمل قوله المنفرد أي le créateur c'est Allah سبحانه وتعالى seul. وبرأ بحكمته جميع البريات أي c'est lui qui a décrété que toutes les créatures elles allaient exister et c'est lui qui a créé et c'est lui qui les a façonnées. اسم الباري والمصور. قال وصور بأحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها وقدر خلقها أحسن تقدير وصنعها أتقن صنع. صحيح. Tu regardes. Ça fait monter l'iman في الحقيقة الذي يتأمل في مخلوقات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى celui qui a créé le soleil, celui qui a créé la lune. Et le soleil il a un rôle bien précis, la lune elle a un rôle bien précis. وكذلك tout ce qui est lié aux océans. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait descendre la pluie. Le jour il devance jamais la nuit, la nuit elle devance jamais le jour. Et l'être humain كذلك son ajib. Anna, tu as des organes à des places bien précises, chaque organe il a un rôle. هكذا les animaux, tout ce qui est lié au climat. Enfin, tout ça. فالحقيقة سمونتخ أن خالق هذه الأشياء خلقها بحكمة وإتقان. أي la création d'Allah سبحانه وتعالى elle est maîtrisée. لماذا؟ لأن celui qui a créé ces choses il a les attributs parfaits. C'est pour ça qu'il n'y a aucun manquement. Tu as déjà vu un temps le soleil il se lève en retard ou il se couche en retard ou la lune elle apparaît pas à un certain moment alors qu'elle devrait apparaître. Tout ça c'est bi itqan. Qala thumma hada kull makhluq lima huyya lahu wa khuliqa lahu alladhi yata'allam fi 'alam al hayawanat yara al ajaib les animaux. Annahu c'est un cycle qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Fait tel animal il a besoin de tel animal il vit dans tel climat, thumma tu vois certains animaux ils se déplacent à tel moment. Tout ça c'est fil haqiqa c'est mudabbar, c'est géré par al-alim al-khabir. Qala wa idha kana huwa al-khaliq wahdahu wal-bari al-musawwir la sharika lah fi shay'in min dhalik fa huwa al-ilah al-haq الذي يستحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو. هذا الثمرة. هذا الفروي de هذه الأسماء pour le مؤمن. Si tu as compris أن الله c'est le خالق, c'est le باري, c'est le مصور وتتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهذا الخالق ce créateur c'est المستحق للعبادة وحده. Et on a déjà cité plusieurs adillah في هذا الباب dans nos دروس خاصة في في التوحيد. من يذكر دليلا أن الخالق المعبود وحده عز وجل تفضل. قولوا تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أحسنت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تأمل قوله يا أيها الناس c'est un خطاب للجميع pour tous les êtres humains. اعبدوا ربكم هذا الرب qui a tout créé, qui gère tout est à sa place. Il mérite l'adoration seul. وَأَمَرَنَا بِذَلِكَ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ. كَذَلِكَ تَسْتَفِيدْ أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرَ الْخَالِقِ c'est une عِبَادَةَ بَطِلَة. Pourquoi adorer واحد qui n'a rien créé? qui n'est pas capable, qui est faible comme toi, qui a des faiblesses comme toi, c'est un être humain comme toi. Limad à l'adorer. Ça c'est mina safah et c'est mina dhulm. Comme a dit Azza wa Jalla, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Afaman yakhluq kama la yakhluq? Est-ce que celui qui crée il est comme celui qui ne crée pas? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Non, celui qui a du ilm, il n'est pas égal à celui qui n'a pas de ilm. Celui qui crée, il n'est pas comme celui qui ne crée pas. Mais à هذا, tu trouves بعض الجهال, بعض المنحرفين, بعض الضلال. Au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, لأنه c'est le créateur. كما استفدنا والله الحمد من هذه الأسماء. Et chaque muslim, il reconnaît هذا, أن Allah c'est le créateur. بل حتى غير المسلمين. لكن adorer Allah subhanahu wa ta'ala fa kathirun minan nas yunharafu. Et au lieu d'adorer le créateur, ils adorent des créatures. قال وهو الخالق للذوات والافعال والصفات وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Et tout ça تستفيده من هذه الاسماء. Allah c'est lui le créateur, c'est lui le musabbir, c'est lui le bari, il fait ce qu'il veut. Tout ça, ça doit pousser le mu'min à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. هذا الكلام الجميل de cette risala Fath al-Rahim al-Malik al-Allam. الحقيقة هذه الرسالة إلى ديتاي لا بلوبار دي اسماء avec un tafsir جميل. لو ذكرها لو ذكر المؤلف celui qui a rassemblé les paroles de Cheikh Saadi, لو il aurait cité هذا الكلام هنا فلكان افضل. نعم فالخلاصة ان الخالق الباري المصور, ils ont un sens très très proche, لكن quand ils sont cités ensemble, فالخلق c'est بمعنى التقدير, اي ان الله il a décrété que telle chose allait être créée. Al-Bari, c'est sifatul bar, al-bar, ou avec une hamza à la fin, c'est al-tamfid, al-fi'l, Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer cette chose, l'action. Al-musawwir, c'est façonner. Façonner, vous connaissez le mot surah, une image, façonner. Les êtres humains, ils n'ont pas tous la même surah, ben ils n'ont pas la même surah. Tu prends des millions d'êtres humains et kul wahed, il a une surah qui le différencie d'un autre. Qui c'est qui a créé Haoula? Et qui c'est qui a façonné chacun avec une taille différente, une couleur différente, un visage différent? Il a appelé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nastavid min hadihi al-ma'ani al-azima, annahu on doit l'adorer. Wahdahu la sharika la subhanahu. Thumma qala, rahimahullah, al-qabid, al-basit, al-khafid, al-rafi, al-mu'iz, al-mudhil, المانع المعطي الضار النافع. Il a cité plusieurs asma avec al-basit et بعض هذه الاسماء ثابته et d'autres من هذه الاسماء فليس عليها دليل. المحقق il a démontré ان الثابت من هذه الاسماء نعم القابض والباسط كما جاء في الحديث لا سيتي في الحاشية قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق المشعر. الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فاسم القابض والباسط ثابتان لله عز وجل, هنا أحاديث كلير. كذلك اسم المعطي ثابت, اسم المعطي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المعطي وأنا القاسم. الحديث اللي في صحيح البخاري كما في الحاشية. أما لزدخن ففي الحقيقة سدي أفعال, أن الله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع ويعز ويذل, يعز من يشاء ويذل من يشاء. كذلك المانع اللي سدي في بمقابل المعطي الضار النافع كذلك سنسيتي انصم, لكن هذا سمن باب الإخبار. فتو دو بوان امبورطون هنا, بعض العلماء أثبتوا هذه الأسماء ان سبازان سوغ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم معنا في القواعد المثلى أن لله عز وجل 100 اسم إلا واحد, أي الله سبحانه وتعالى إلى 99 نوم. هذا الحديث اللي صحيح. ثم وبعض العلماء ils ont cité beaucoup de noms après le hadith. وتقدم معنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لرابورتي اتفاق المحققين المحدثين أن هذا مدرج سي با من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن البعض بعض العلماء يسون بازي سور سيت ليست 99 نوم que certains rapporteurs ils ont cité c'est pas le Nabi عليه الصلاة والسلام et ils ont cité مثل هذه الأسماء الخافض الرافع المعز المذل المانع الضار النافع وأثبتوها et d'autres كذلك استفادوا أو أخذوا هذه الأسماء من بعض الأفعال كقوله يعز من يشاء ويذل من يشاء أخذوا من هذا الفعل اسم المعز والمذل d'autres se sont basés sur d'autres أحاديث qui sont faibles المهم الصواب أن الثابت من هذه الأسماء القابض والباسط والمعطي أما les autres لا شك أن المعنى اللي صحيح c'est pour ça qu'on va lire ensemble بإذن الله عز وجل الكلام ده الشيخ سعدي وسنستفيد معاني عظيمة لكن تقدم معنا من قاعدة مهمة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لابد من دليل même si le sens il est juste مثلا اسم المعز لا شك أن من باب الإخبار أي on informe et on dit que Allah سبحانه وتعالى c'est المعز يعز من يشاء ويذل من يشاء لكن le fait de citer un nom on est obligé d'avoir un délil et on n'a pas de délil à هذه الأسماء sauf certains qu'on accepte هنا et on a cité un délil من قول المحقق هذا c'est مهم donc بقي الشيء on dit même si on cite ces noms c'est من باب الإخبار comme on dit مثلا أن الله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بعضهم الامبلوا سو فورم دو نو المتكلم سا سي من باب الاخبار نعم الله يتكلم لكن اسكون دي ان من اسماء الله المتكلم لا لانه لا قد دليل فلهذا في هذا الحال لا نثبت فمثلا اسم الرافع الخافض دي الله اعلم دي اون قد دليل على هذا فلا نستطيع ان نثبتها من ان نثبتها من اسماء الله عز وجل توسع تقدم معنا في القواعد المتلى deuxième chose ان هذه الاسماء vous avez remarqué que chaque nom il va avec le nom suivant القابض ça va avec le basit الخافض ça va avec le رافع المعز ça va avec le مذل et c'est important de citer ces noms avec le nom qui va avec شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال وقد قال من قال من العلماء إن مثل هذه الأسماء المعطي والمانع إلى آخره لا يذكر ولا يدعى بأحد الإسمين لأن الإسمين إذا ذكر معا دل أي لدو على عموم قدرته وتدبيره وأنه لا رب غيره وإذا ذكر أحدهم لم يكن فيه مدح si on cite que un nom مثلا واحد il informe il dit Allah c'est الضار et il s'arrête هذا c'est pas du كمال c'est pas du منح لأن الضار مطلقا comme ça sans citer un نافع c'est pas من صفات الكمال لا الله سبحانه وتعالى نحن on répète أن pour nous on n'a pas de دليل أن c'est des noms d'Allah لكن حتى من باب الإخبار on dit Allah c'est الضار et c'est النافع الله سبحانه وتعالى سل قابض سل باسط سل خافض سل رافع إلى آخره كذلك العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه إلى ستة هذه الفائدة في معارج القبول si on a compris tout cela le résumé c'est que من الأسماء الثابتة هنا الباسط avec le قابض et كذلك المعطي أما les autres noms فمن باب الإخبار لا بأس de les citer من باب الإخبار pour informer وإلا فدير que c'est des noms d'Allah سبحانه وتعالى فهذا لابد من دليل et il n'y a pas de دليل صحيح على هذه الأسماء فأن دي الله أعلم et نحن لا نثبتها لله en tant que اسم أما المعاني فمعاني جميلة فقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القابض الباسط تقدم معنا الدليل قوله عليه الصلاة والسلام الله هو الخالق القابض الباسط قال الخافض الرافع المعز المذل المانع المعطي الضار النافع هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد مع الآخر. الشيخ سعدي رحمه الله كذلك إلى السيتي هذا أن quand tu cites un, tu cites l'autre, ils vont ensemble. لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين مثلا القبض والبسط, ça va ensemble. أما si tu cites que le قبض tout seul, c'est pas du كمال. Si tu cites que le بسط tout seul, c'est pas du كمال. قال فهو القابض. À partir de là, on va expliquer le sens. Et c'est ça qui est important في هذا العلم النافع. أولا تحقيق إثبات الاسم. Est-ce que l'اسم il est ثابت أم لا؟ Ça c'est la première مرحلة. Quand c'est clair, on n'a pas besoin de citer هذا comme les noms précédents. الإله الله الخالق, ça c'est واضح, il y a des أدلة, c'est des noms d'Allah. Quand il y a un خلاف, on essaye de regarder القول الصواب. فإذا ثبت الاسم tu étudies المعنى. فهكذا, il y a deux choses, إثبات الاسم et après المعنى. قال فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس. القابض صفة القبض, أي c'est le fait de reprendre. فالله سبحانه وتعالى c'est lui القابض للأرزاق والأرواح والنفوس. الله سبحانه وتعالى il reprend le risque à qui il veut. Tu trouves بعض الناس, ils avaient des choses, ثم ils ont plus. Ils avaient de l'argent, ils ont plus. Ils avaient un foyer, ils ont plus. Qui c'est qui a repris cette chose? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui l'a donné. C'est pour ça que ça va ensemble. Il l'a donné et il l'a reprise. Et tout ça s'est fondé sur la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste envers personne. Il donne à qui il veut. Tafaddulan minhu. Et il reprend à qui il veut. Min bab al-adl, azza wa jal, wal-hikma. Qal wal-arwah. Hey, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mort. C'est lui qui reprend l'âme de qui il veut. والنفوس والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Al-bast, c'est le fait de donner en abondance, de donner beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut, il guide qui il veut, il enrichit qui il veut, subhanahu wa ta'ala. قال وهو الرافع للأقوام القائمين بالعلم والإيمان الخافض لأعدائه. تقدم معنا أن أن هذين الاسمين ونبت دليل على إثباتهما, لكن المعنى للصحيح. فالله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. Il élève qui veut et rabaisse qui il veut. وهنا الشيخ سعدي رحمه الله il a cité السبب. Et c'est ça qui est important في هذه الأسماء. Si Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, chacun de nous il veut être élevé في الدنيا وفي الآخرة. Et chacun de nous ne veut pas être rabaissé في الدنيا والآخرة. فتأمل كلام كلام رحمه الله وهو الرافع, c'est lui qui élève. Il élève qui? القائمين بالعلم والإيمان, ceux qui font des efforts في العلم والإيمان. والإيمان قول وعمل واعتقاد, ça englobe les œuvres. فceux qui font des efforts في العلم والإيمان, الله سبحانه وتعالى il les élève. كما قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Il a cité les deux dans le verset. Allah عز وجل الذين آمنوا منكم الإيمان والذين أوتوا العلم درجات العلم. Celui qui veut être élevé في الدنيا والآخرة, العلم والإيمان. C'est pas les gens qui t'élèvent, c'est pas les compliments qui t'élèveront, أخي الكريم. C'est pas de suivre aveuglément qui t'élèvera. C'est pas faire pour les autres qui t'élèvera. Tu veux être élevé, fais des efforts dans ces deux points. Al-ilm, khasatan al-ilm bihadihi al-asma al-azima, khasatan tout ce qui est lié à la croyance, à prendre sa croyance, la croyance des salaf, al-tawhid, les noms d'Allah, les attributs d'Allah Azza wa Jal, apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est lié au fiqh, wal-iman. Al-iman, bien sûr ça englobe al-ikhlas, bien sûr ça englobe al-amal. لأن إيمان sans عمل c'est pas utile. فهذه deux choses. أي الحقيقة tu peux résumer هذا en un mot, الدين. Notre دين c'est fondé sur العلم والعمل. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان c'est fondé sur العلم والعمل الصالح. C'est ça qui sauve la personne, c'est ça qui élève la personne. فهذا y a pas de secret في الحقيقة. Tu vas être élevé, tu vas avancer dans ton دين, fais des efforts في العلم والإيمان. الرافع لأقوام أو للأقوام القائمين بالعلم والإيمان الخافض لأعدائه. الخافض c'est celui qui rabaisse. Allah subhanahu wa ta'ala, il rabaisse ses ennemis. C'est qui les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Al-Kuffar. C'est Al-Munafiqoun. Et tous ceux qui les suivent, iyadan billah. Et ceux qui contredisent hadal ilm ou l'iman. Même s'ils ont du ilm, même s'ils ont des connaissances, ils n'appliquent pas. La yu'minoun. Wa la ya'maloun. Et même s'ils appliquent en apparence qu'à ba'd al-munafiqin, ils ne croient pas, ils n'ont pas l'iman. Enfin, avec cet exemple, tu vois que l'ilm ou l'iman, c'est lié. Et en apparence, c'est, et bien sûr, dans le cœur. Wa huwa al-mu'iz li ahli ta'atih. Al-mu'iz fi thubutihi nadar. Et on reprécise, on a un ba'd al-ulama yuthbitun hadhihi al-asma. Si on entend wahid yuthbit hadhihi al-asma, فلا شك أن دي سافون يون بريسيدي فبعض العلماء يثبتون لكن المسألة revient au دليل أما المعنى اللي صحيح المعز لأهل طاعته المعز أي celui qui donne العزة العزة c'est quoi c'est la force c'est la force c'est la puissance qui c'est qui donne cette force cette puissance à ses serviteurs c'est Allah subhanahu wa ta'ala il la donne à qui à أهل الطاعة فتو veux العزة tu veux العزة في هذه الدنيا fais des efforts في طاعة الله. Fais des efforts fit tawhid, applique tawhid. Prends soin de ta salat. Et un bon comportement. Apprends ton manhaj, apprends sunnat al-Nabi alayhi salat wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élèvera. Il te donnera al-izza fi hadhihi ad-dunya, même si les autres ne veulent pas. Ba'd an-nas, iyadan billah, il cherche al-izza inda ahli al-kufr. Il cherche la force. Il a akhiri chez les kuffars. Ba'dhum il la cherche inda ahli al-ahwa. Ba'dhum il la cherche inda al-kathra. Il pense que s'ils sont beaucoup, il aura l'izza. Abadan. L'izza, c'est l'Allah. Azza wa jal. Il la donne à qui il veut. Et le sabab, c'est l'obéissance à ta'a. Qala wa hadha izzun haqiqi. Fa inna al-muti' lillah azizun wa in kana faqiran laysa lahu a'wan. Ta'ammal hadha. C'est ça l'izz al-haqiqi. Ne pas penser que l'izz, c'est que l'argent. Al-izz, c'est d'être nombreux. Al-kuffar, ils sont nombreux. Ils ont des unions, ils ont de l'argent. Il a akhiré. C'est min adhal khalqillah, subhanahu wa ta'ala. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ils ont un dha'f dans le cœur. La ya'lamuhu illallah. Et tu le vois hada lors des épreuves. Amma al-izz al-haqiqi, c'est ça, c'est obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as rien. Inna al-muti' lillah azizun wa in kana faqiran laysa lahu a'wan. Même s'il est seul. Même si personne l'aide, il est aziz. Il tendra jamais la main pour se rabaisser, abadan. Il obéira jamais une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, abadan. C'est ça, al-izza, al-haqiqiyya. Amma, kathirun min al-nas, ils ont une conception de al-izza, la force, la puissance, et la akhira, qu'avec le nombre et l'argent. C'est pas ça, abadan. Qala, المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة. Il faut pas oublier هذا. أن même بعض الناس, en apparence tu les vois, ils ont de la عزة. Ils sont nombreux, ils ont de l'argent. Ils font de l'injustice à certains. تراهم كأنهم ils ont شيء من العزة. Et في الحقيقة c'est que de l'injustice. Et ils seront humiliés يوم القيامة. قال وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه ذل وإن لم يشعر به لانغماسه في الشهوات فإن العز كل العز بطاعة الله كلام جميل صحيح أن même si en apparence tu crois qu'il a شيء من العزة في الحقيقة son cœur il est rempli de ذل. Al-dhul, c'est le fait d'être humilié, rabaissé. Et tu le vois, hada fil kuffar. Ils font tout pour essayer d'écarter hada al-dhul et cette faiblesse de leur cœur, ils n'arrivent pas. Ba'dhum, ils mettent fin à leur jour, ba'dhum, ils désespèrent, ba'dhum, ils ont une vie, iyadan billah, très triste. Ils n'arrivent pas à trouver le bonheur. Et hada al-izz al-haqiqi, limada? Lianna hada al-izz al-haqiqi, cette force, fal-haqiqa, elle est que fi dinillah. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة الله il les ressuscitera aveugle humilié لماذا لأنهم ils ont pas appliqué دين الله سبحانه قال وإن لم يشعر به لانغماسه في الشهوات et صحيح بعض الكفار ils se rendent pas compte de cette faiblesse. لماذا لأنهم يسون في الشهوات عيادا بالله دروغ الكول زنا إلى آخره لكن lors des épreuves أو عند الموت يوم القيامة لا شك أنهم ils feront partie de أذل خلق الله سبحانه وتعالى les créatures les plus humiliées شر البرية كما وصفهم الله عز وجل قال والذل بمعصيته ومن يهن الله فما له من مكرم celui que Allah subhanahu wa ta'ala il rabaisse al-ihana c'est l'humiliation, le rabaissement fama lahu min mukrim tu ne trouveras pas quelqu'un qui l'élèvera abadan fatastafid min hada anna nahnu et c'est thamra azima de hadhihi al-ma'ani que ce soit les noms qui sont thabit ou al-af'al al-awsaf qui sont cités huna tastafid une thamra un fruit azim ça n'élève pas ce qu'Allah il a rabaissé un mushrik, najis, mulhid, ne l'élève pas, ne lui donne pas d'importance. قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. Pourquoi tu veux l'élever alors que Allah subhanahu wa ta'ala il le rabaisse. Il l'a rabaissé bi kufri. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Il a cité cette adilla rahimahullah pour montrer que العز الحقيقي c'est في دين الله. C'est fait ta'at illah. Al-izz al-haqiqi, c'est dans le fait de suivre le Qur'an ou le sunnah. Ba'dan nas, iyadan billah, à cause d'une maladie dans leur cœur, ils pensent que suivre le Qur'an ou le sunnah, l'un, c'est plus d'actualité. Ça va nous arriérer, ça va nous rabaisser. Hatta al-ba'd, ils disent, anna al-kuffari, ils sont montés sur la lune. Al-kuffari, ils ont fait telle chose, et antum, vous êtes encore dans le Qur'an et dans le sunnah. Ba'd al-munafiqin, yaqoulun mitla hada. Limadha li'annahum ghtarru bil-kuffar. Même si on qadr, ils sont montés sur la lune et c'est du kadib, est-ce que c'est ça l'izza? C'est pas ça l'izza. L'izza c'est yom al-qiyama, de faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi, il a guidé, et de ceux qui rentreront fil jannah et qu'ils auront tout ce qu'ils veulent et ils seront fiers et ils seront heureux. C'est ça l'izza al-haqiqi. Amma quelques années fil dunya thumma iyadan billah mourir ala al-kuf fa ayna al-izza. Ça c'est la pire des humiliations. La pire des humiliations, c'est d'échanger l'odona éternelle pour ce bas monde qui dure quelques temps. Ba'dhum, iyadan billah, il profite un an, deux ans. Ba'dhum, il profite 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Même il profite 1000 ans. C'est incomparable avec l'éternité. Qala wa huwa ta'ala al-mani' al-mu'ti fala mu'ti lima man'a wa la mani' lima a'ta. Kama ja'a fi al-hadith. Fala mani' lima a'ta. تستفيد من هذا إن فائدة عظيمة في ديزيفور دمض الله سبحانه وتعالى et si Allah veut te guider il te guidera même si les jaloux ne veulent pas si Allah veut t'élever بالعلم il t'élèvera même si الحاقدون الحاسدون ils ne veulent pas même si on met en garde contre toi si t'es à la حق فلا مانع لما أعطى عز وجل تستفيد من هذا أن recherche هذا الخير الفضل والنعم من الله ne recherche pas vers les créatures. L'être humain aujourd'hui va te donner une chose, demain il va te le reprocher ou il va te le rappeler. Allah subhanahu wa ta'ala la mani'a lima a'ta. Qala wa la qala fala wa huwa ta'ala al mani' al mu'ti fala mu'ti lima mana' wa la mani' lima a'ta. Na'am. Si Allah il ne veut pas une chose, tu ne l'auras pas. Même si toute la terre elle veut te donner cette chose, si Allah il a décrété que tu n'auras pas, tu ne l'auras pas. Fa al iman bil qadr c'est min a'zam asbab al-'izz. Et c'est ce qui manque aux ennemis de l'islam. Falihada, ils désespèrent très vite. Falihada, tu les vois un jour, ils sont heureux. L'autre jour, ils sont capables de se suicider. Les malades, les anoum, ils n'ont pas hada al-'ilm al-'azim. Al-iman bil-qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Wa huwa ta'ala al-nafi'. Et taqadda ma'na isma al-mu'ati li-tabit. Amma al-mani'. Faya pas de dalil, lakin hada al-ma'na. Et en Allah subhanahu wa ta'ala la mani'a lima a'ta wa la mu'ti lima mana' annahu yamna' fala shak hadha al-fi'l hadhihi as-sifa li thabita qala wa huwa ta'ala an-nafi' liman sha' min 'ibadihi bil manafi' ad-diniyya wa ad-dunyawiyya ad-dar liman fa'ala al-asbab allati tujibu dhalik an-nafi' ça vient de naf' quelque chose d'utile quelque chose de profitable wa ad-dar c'est quelque chose de nuisible. Allah subhanahu wa ta'ala il donne les choses profitables à qui il veut et il donne des choses nuisibles à qui il veut. Tout ça c'est fondé sur l'hikmah. Comme a dit Cheikh Sa'di rahimahullah, wa hadhihi al-umur كلها تبع لعدله وحكمته وحمده. Tout ça c'est fondé sur l'adl ou l'hikma. Et alhamd. Limadha, les al-ba'd peuvent se poser la question, limadha fulan, il serait touché par une chose de nuisible. Awalan, on dit que c'est min Allah. Allah, c'est lui le nafi', c'est lui le dar, c'est lui qui élève qui veut, rabaisse qui veut. Et on rajoute une deuxième chose, tout ça c'est fondé sur la justice. Allah, il n'est pas injuste. Si fulan il a été touché par une maladie ou par la pauvreté, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a voulu. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tout ce qui nous touche, tout ce qui touche n'importe qui comme musiba, comme chose nuisible, adrar, pauvreté, maladie, كما قال عز وجل فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. C'est ce que nos mains elles ont fait. Allah il n'est pas injuste. Et كذلك أحيانا المؤمن التقي بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ils ont été touchés par des épreuves et c'était pour les élever. ففي حق المؤمن في الحقيقة c'est que du خير. Tu es touché par un darar, une maladie, la pauvreté, اسبر أشد الناس الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إما tu as des dunoub, tu n'as pas fait de tawbah et Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, enfin il te touche par ce mal pour te purifier. إما tu n'as pas fait assez d'œuvres et Allah subhanahu wa ta'ala il veut pour toi les hauts niveaux, les hauts degrés fil jannah, il t'éprouve hatta il t'élève. Limadha li anna tes œuvres elles sont pas assez. Fa al-haqiqa c'est que pour le mu'min. Amma fi haqq al-kafir fa le kafir il mérite ce mal ou cette chose nuisible à cause de sa mécréance, annahu il est pas reconnaissant. Qala fa inna lahu al-hikmatu fi khafd man yakhfaduhu ويذل ويذله ويحرمه ولا حجة لأحد على الله كما له الفضل الخفي على من رفعه وأعطاه ويبسط له الخير. قوله رحمه الله ولا حجة لأحد على الله. الله يفسكيب. الله سبحانه وتعالى يفسكيب. On a pas le droit de dire pourquoi, comment. On doit avoir حسن الظن بالله. On a une règle, nous, en Allah subhanahu wa ta'ala, il commet aucune injustice. Il a les attributs parfaits. Tous ces af'al, toutes ces sifat, elles sont fondées sur le hikma. C'est le hakim. Chaque chose, elle est à sa place. Donc, on n'a pas le droit de, iyadan billah, na'tarid, comme ils font, ahlul nifaq ou ahlul kufr. Mais pourquoi? Yaqouloun, pourquoi? Mais c'est de l'injustice. Pourquoi tel enfant, il est malade? Pourquoi tel être humain il a tout perdu, c'est de l'injustice. Nous on dit qadar Allah wa ma sha'a fa'al, et on sait qu'il y a une hikma azima et on fait des efforts et on patiente, c'est que la dunya. Pourquoi les kuffar ils donnent beaucoup d'importance à hada ash-shay? Li'annahum la yu'minuna bil akhir. Amma nahnu al-amr lis-sahl, si on est touché dans nos biens, dans nos familles, dans notre nafs fi hadhihi ad-dunya, on sait que c'est un passage faqat. Amma celui qui donne trop d'importance à cette dunya, fa rubbama yaqa fi hada, tellement qu'il est attaché à la dunya, s'il est touché dans cette dunya, iyadun billah ya'tarid, kanahu il n'est pas d'accord. Bal insan yahdhar ad-dunya mal'una comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette dunya elle est maudite. Illa dhikrullah wa kama ja'a fi al-hadith wa 'alim wa muta'allim ila akhir, ay sauf tout ce qui est lié au din. Amma le reste c'est mal'oun. Ça ne donne pas d'importance à quelque chose de mal'ouna. Si tu as هذا المعتقد, si tu es touché dans cette chose, ça ne te fera pas grand-chose. Tu patienteras. Tu sauras que ma عند الله سبحانه وتعالى c'est أفضل. قال فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. فهنا tu as la solution pour ne pas tomber عيادا بالله في الاعتراض وفي سوء الظن بالله. لماذا؟ لأن الله يلف يغبس يدن يلنف pour pas tomber في هذا الانحراف. تعترف بحكمة الله أن tout ce qui se passe بحكمة الله عز وجل, et le manque qui vient de nous, si tu es touché par un problème, par une maladie, par la pauvreté, par une épreuve, par un ennemi, le problème il vient de nous. أما الله سبحانه وتعالى فسل حكيم. قال كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. نعم كذلك ما يتعلق بالفضل, الله t'a donné du علم, الله t'a guidé, الله t'a donné de l'argent, فالإنسان لا ينسى الشكر, يشكر الله سبحانه وتعالى avec sa langue, son cœur et ses membres. وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور كلها جارية تحت أقداره, فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا ولضد ذلك أسبابا من قام بها ترتبت عليه مسبباتها، وكل ميسر لما خلق له. تقدم معنا أن toutes ces choses، هذه المعاني العظيمة، أن الله يلفّ كيف يغبس كيف يجد كيف يلقح كيف يدنا كيف يربحان كيف، toutes ces معاني لها أسباب عظيمة. تقدم معنا أن من أعظم الأسباب الدين، الطاعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ستقوى الله الدين في الكي كان الله سبحانه وتعالى الله لا يجد غاي يدنا غاي للفغا même s'il est prouvé c'est pour son bien. وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. Vous avez remarqué que هذه المعاني elles sont liées au destin. Elles sont liées au qadr. Allah subhanahu wa ta'ala il a tout qadr. Il facilite celui qui veut le khair, Allah il lui donnera du khair. Celui qui ne fait aucun effort, il veut du mal. Fa al-haqiqa, s'il est touché par un mal, c'est ce que ses mains elles ont fait. نعم. هذا سمعنا قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتأمل قوله فسنيسره لليسرى، أي الله سبحانه وتعالى فسيلتخاء هذا العبد le bien le خير إلى آخره. C'est quoi les causes؟ فأما من أعطى واتقى. العطى c'est celui qui donne، ça fait partie des œuvres طيبة، celui qui aide les pauvres إلى آخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah il aide son abd tant que ce abd il aide son frère. هذا c'est من العطاء. واتقى ça englobe tout dit. قال عز وجل وصدق بالحسنى الإيمان. Ça ça nous montre هذه الآيات العظيمة أن notre دين s'est fondé sur l'Iman ou l'amal. العمل il est cité في قوله فأما من أعطى واتقى من التقوى bien sûr العمل وصدق بالحسنى الإيمان كذلك الإيمان c'est من التقوى. Donc ça va ensemble. تستفيد من هذا قوله فسنيسره لليسرى. Si tu veux qu'Allah il te facilite, il t'élève, il te donne, il te guide, toutes les ma'ani qu'on a vues positives, فحقق هذين الأمرين التقوى et l'Iman. أي دين الله عز وجل. Que ce soit les œuvres du cœur, de la langue ou des membres. ثم قال عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحقيقة الله il est juste ولا شك. Celui qui est égaré, qui n'est pas guidé. Tout ça c'est بقدر الله عز وجل. لكن il y a des causes. Allah سبحانه وتعالى il a cité quelques causes. وأما من بخل. C'est le contraire de l'عطاء. Il donne pas. Alors que c'est Allah qui lui a donné. Il n'est pas reconnaissant. وكذب بالحسنى. Il ne croit pas. هذا يبنس عيادا بالله كسو فنطر كالكفار. قال فسنيسره للعسرة. العسرة c'est le contraire de اليسرة. اليسرة c'est la facilité, العسرة c'est la difficulté. الله سبحانه وتعالى il ne le guidera pas, بل il sera égaré عيادا بالله jusqu'à qui goûtera au châtiment. ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا ترد. Même s'il a de l'argent, هذا المجرم. Celui qui ne donne pas, celui qui ne croit pas, même s'il a de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala il a informé وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ. نعم. لماذا؟ لأن المال c'est bien sûr c'est Allah qui le donne à qui il veut et c'est quelque chose de temporaire. Qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il va profiter un peu fit dunya, il va boire, il va manger. يوم القيامة ça lui sera d'aucune utilité. في قبره il sera enterré seul, nu. Tous ses biens seront partagés بعد. Avec toutes ces ma'ani, tu comprends أن أصل السعادة والخير c'est notre dîn. Notre dîn il est fondé sur l'Iman والعمل. On fait attention au tamanni في هذا الباب. أي فقط on espère avec la langue et on ne fait pas d'effort. On repousse toujours. Ça fait beaucoup de mal. لا. قال عز وجل فأما من أعطى واتقى. انظروا أعمال إيمان يقين. هذا بإذن الله عز وجل الله لي فاسيليتخا. ثم قال الشيخ السعدي وهذا يوجب للعبد القيام بالتوحيد. Le fruit de tous ces noms الثابتة منها القابض والباسط والمعطي les autres معاني الثابتة في الكتاب والسنة tout ça ça doit impliquer من العبد أنه يلونفي الله سبحانه وتعالى السل. Y'a الله qui peut te donner, y'a الله qui peut te guider, y'a الله qui peut t'élever, فأدعو له. Adore-le, c'est min a'zam il asbab, c'est la plus grande cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te donne et il t'élève. Wa li'timad 'ala rabbihi fi husul ma yajib wa yajtahid fi fi'l al-asbab an-nafi'a fa innaha mahalu hikmatillahi 'azza wa jalla. Na'am. Kadhalika al-ijtihad fi fi'l al-asbab. Walhamdulillah. Fa ma'ani jamila. Thumma ila sita ism al-batin taqaddam ma'ana. Al-awwal al-akhir al-zahir wal-batin. ثم إلى ست اسم بديع السماوات والأرض سمين أسماء المضافة ذهب الوقت dans le prochain درس on essaiera de détailler قليلا. Vous avez remarqué que c'est un nom, il est fait de plusieurs mots. بديع il est مضاف السماوات والأرض سماوات il est مضاف إليه et هذه سمين الأسماء المركبة de plusieurs mots. بعض العلماء disent c'est pas un nom d'Allah. بديع السماوات والأرض سمين باب الخبر. Et d'autres علماء ils l'ont cité comme اسم. فالشيخ سعدي l'a cité comme اسم هنا. أما المحقق قال هذا الاسم من أسماء الله المضافة وقد تقدم في الدراسة أنها لا تدخل ضمن أسماء الله الحسنى. نعم بعض العلماء يديز أن الأسماء المضافة لا تدخل في الأسماء. Et بعض العلماء ils font rentrer, enfin on verra inshallah si on peut dans le prochain درس. قال رحمه الله بديع السماوات والأرض أي خالقها على وجه قد أتقنها وأحسنهما أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق. نعم وكنسلو مو بدعة البدعة لبلغيال البدع سي عمل كل إنسان يفع كل نبي صلى الله عليه وسلم إلا با فع أي إلا با دكزمب إلا با دقدوة في هذا سي كلكو شوز دانفنتي المو بديع سي على ميم غسين البا والدال والعين أي بديع السماوات والأرض. Ça ressemble à Khaliq al-Samawat wal-Ard. Ça ressemble au nom Khaliq wal-Bari. Lakin, Badi'u al-Samawat wal-Ard, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il crée une chose qui n'avait pas de modèle avant. Mathalan, al-Samawat wal-Ard. Qui c'est qui les a créés? C'est Allah. Avant, il n'y avait pas de Samawat wal-Ard. Hada, ma'na, ism al-Badi'u, ça ressemble au Khaliq. قال ومبدعها في غاية ما يكون من الحسن والخلق والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. Toutes ces معاني on les a cités ensemble في الخالق والباري. نكتفي بهذا القدر et le prochain cours on continue inshallah ta'ala. Enfin, on a vu quelques noms aujourd'hui, on les récapitule. الباري والخالق والمصور أي أن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur, c'est lui qui décrète ce qu'il veut, c'est lui qui façonne toutes les créatures comme il veut, subhanah. Humma, on a vu بعض الأسماء الثابتة القابض والباسط والمعطي. أي Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. عز وجل. On a vu des معاني صحيحة, c'est pas des noms d'Allah في الحقيقة, لكن des معاني طيبة كإخبار الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى c'est الخافض, c'est الرافع, c'est المعز, c'est المذل إلى آخره. Et on a fini avec هذا الاسم qu'il a cité, اسم من الأسماء المضافة بديع السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس بإذن الله عز وجل.